Alors, en ce sens-là, l'homme ne connaîtra jamais c'est quoi l'amour. Merci, Daniel, et puis bonne fin de soirée à tout le monde.